Bien, mes chers petits amis, et ici, ne prenez pas le terme au sérieux, je ne vous veux définitivement pas pour amis. Ce soir sera l'avant-dernière émission du Undead Incorporated Show Réanimation, et ce pour l'année 2017, bien entendu. Et non, ce n'est pas parce que j'ai quitté pour le Sud, je n'aime pas la chaleur. Simplement que depuis quelques semaines, les exhumations sont beaucoup plus laborieuses et pénibles. C'est depuis que la terre est gelée, et que j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour m'approvisionner. Faire l'épicerie, quoi. Mais quoi qu'il en soit, et ce, malgré le fait que mes expériences post-mortem sont de plus en plus éreintantes, voire fatigantes, j'ai pour vous ce soir une mission très, très piquée des vers et la présentation du nouvel album des maîtres du death metal, Morbid Angel. Voilà. J'entendais pas moins que ça. Que je suis donc bon avec vous. Oui, je suis très bon. Et ça vous rend malade, bande d'incultes. Ils sont tous d'accord. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque vous demandez, docteur, de quel type de virus suis-je accablé? Eh bien, je ne sais pas. Mais il ne semble pas suffisamment ravageur à mon goût. Je vais faire des recherches, mais ça sera long, très long. Suffisamment long pour vous ayez la réponse sur votre épitaphe. Priez pour ne pas y survivre. Enfoiré, cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated because I, Pendragon, said so. Let's go. Let's go plus tard. We'll be right back. You want, don't tell me that. You need, don't tell me that. You love, don't fool yourself. Screaming. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Avez-vous envie de découvrir de la musique canadienne? Venez assouvir votre soif d'émergence avec nous, Oriane Clavet et Liliane Flynn, les pas sortables, tous les mardis de 16h à 17h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Oh, les lundis, la semaine recommence, puis les mercredis, il en reste la moitié à faire. Un petit 5$ pour te remonter le moral? Avec chaque tranche de 50$ chez IGA Extra Paquet, on te donne 5$ de rabais. Au IGA Paquet, on a plein de mets préparés sur place, de repas pour emporter, de produits spécialisés et 500 sortes de bières. Fait que les lundis et mercredis, apporte ta carte étudiante puis économise 5$ par tranche de 50$ d'achat juste au IGA du boulevard des Forts, juste pour les étudiants. Salut, trifluvien et trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face, là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation The Undead Incorporated Show en ce 5 décembre de l'an de grâce 2017. En fait, la première de décembre. Exactement, race. Ouais. Ils sont tous heureux encore une fois. Taisez-vous, bande de cons. Horace a raison, on a débuté un peu en retard et en fait un peu chaotiquement parce que, comme il l'a dit, vous, humains, remettez votre vie entre les faibles mains, justement, de la technologie. Et voilà ce que ça donne. Donc, des petits problèmes techniques, mais on s'est rattrapé. Espérons qu'on aura le temps de tout diffuser ce qu'on voulait faire. On verra bien. Juste avant cette pause publicitaire, nous avions eu le bloc d'entrée de cette émission, qui était un triplé de, à forte tendance, Death and Roll. On a eu à l'instant de Bavière en Allemagne, Star of Madness. J'allais dire une jeune formation, mais dans les faits, selon toute vraisemblance, ce ne serait qu'un duo. Oui, tel Jimmy Bertrand, effectivement, d'un peu dans un style différent. La pièce est en Despair, tirée de leur seul et unique album jusqu'à date paru, qui aura un an le 29 janvier prochain, donc vous pourrez en déduire qu'il est paru le 29 janvier dernier. Le titre étant The Truth Beneath, de façon indépendante, donc... pièce qui, ma foi, c'est intéressant, Star of Madness, mais... il me semble que la guitare sonne un petit peu trop mid à mon goût. Subjectif. Juste avant, formation n'est plus vraiment à présenter. Ce sont des vétérans. Je parle de Carcass, formation qui est de Liverpool, en Angleterre. Ça vous situe pas, ben là, je peux pas faire mieux. Qui existe depuis 1986. Ils ont repris une pause entre 1996 et 2007. Formation originalement qui donnait dans le gore grind, mais qui aujourd'hui serait plus qualifiée dans le death and roll, définitivement. Les pièces étant 316 All Great Surgical Steel, qu'on trouve sur leur sixième album, paru en 2013, soit le 13 septembre, Surgical Steel. Sous étiquette Nuclear Blast. Et juste avant, nous avions Entombed de Suède. Formation active, oui. Par contre, avec un seul membre de la formation dite originale, soit Alex Elid. Entombed qui sont repartis sous le nom de Entombed AD, comme vous le savez probablement déjà, avec le chanteur LG Petrov, dont nous avons entendu la voix sur la pièce Carnage, qui est tirée de ce mini-album, ce EP When in Sodom, qui est paru le 6 juin 2006, qui précédait la sortie du dernier album sous le nom de Entombed. En fait, le dernier album tout court de Entombed, soit Serpent Saints, The Ten Amendments, qui est paru en 2007. Donc, je suppose que c'est-tu une restructuration, c'est-tu un manque de temps, c'est-tu un manque de moyens, c'est-tu un manque d'inspiration? Aucune idée. Mais Alex Elid, qui est le guitariste, ne semble pas produire énormément de trucs originaux jusqu'à ce jour. Ce soir, comme je l'ai annoncé la semaine dernière et comme je l'ai annoncé lors de la présentation, c'est de l'introduction, si vous préférez, c'est la présentation, oui, de ce nouvel album, ce 10e des maîtres du death metal, Morbid Angel, qu'on va voir dans, je dirais, environ une vingtaine de minutes, peut-être. Mais avant, les présentations de la semaine sont sous le signe de la morbidité, bien entendu, comme je disais la semaine dernière, parce que la première présentation est de la formation de Catalogne en Espagne, Morbid Flesh. Bon, morbid, vous aurez compris, morbidité. Non? OK, laissez faire. Formation qui a vu le jour en 2007. En fait, je me rétracte. Ils ont vu le jour en 2002, mais sous le nom de Undertaker. Donc, la formation existait et elle a changé de nom pour Morbid Flesh en 2007. Formation de death metal qui n'a pas énormément d'albums à son actif. Et ça, même si on parle que... mille pardons. Ou pas du tout, non. Qu'ils existent depuis 2007, ce n'est que le deuxième album apparaître de Morbid Flesh, qui est paru en avril dernier, mais dont je n'ai eu vent et connaissance, et surtout pu mettre la main dessus, seulement il y a quelques, je dirais, environ 2 ou 3 semaines maximum. Donc, album qui est paru sur les étiquettes Unholy Prophecies, un album que je trouve, je vais vous laisser vous faire votre propre opinion et on va en rediscuter de façon monologue, c'est-à-dire vous allez m'écouter le dire après cette présentation de 3 pièces qui sont respectivement Circle Cursed, Burn the Entrails et Incantation, Morbid Flesh. Let's go! Go! We'll be right back. We'll be right back. Morbid Flesh, trois pièces tirées de leur plus récente parution Rites of the Mangled, qui est paru le 24 avril dernier, mais qui a été découvert par votre humble serviteur plus tard. Pas mal plus tard, mais je pense que c'est... Ça a été probablement le lot de plus d'une personne, d'ailleurs. On vient d'entendre la formation, la pièce Incantation, qui est la sixième pièce de cet album, Burn the Entrails, qui est la deuxième pièce, et en ouverture de bloc, ainsi qu'en ouverture de cet album, Circle Cursed. J'ai donné une critique, c'est pas une critique, c'est une chronique que je fais. Critique, je trouve que c'est un petit peu, comment je pourrais dire, c'est un peu prétentieux. Je lui ai accordé une note de 7, rien du tout sur 10, non, 7 sur 10. Ah oui, en passant, c'est disponible en CD et en LP aussi. Venez, si vous préférez. Ben, ce que j'en dis, c'est que oui, effectivement, c'est plutôt simpliste, voire minimaliste par moment, mais dans le genre, c'est efficace. C'est le genre de groupe qui est catalogué dans le style death metal, mais par contre, on peut lui donner par moment certaines, certains... épices parallèle avec le Death and Roll, du moins pour certaines des pièces. Je trouve ça fort correct, mais par contre, le point faible qui en ressort le plus selon moi est le vocal, non pas parce que c'est un vocal death metal, mais bien parce que c'est un vocal qui n'a pas beaucoup de puissance. Le chanteur dont le nom est Vali, je suppose que ce n'est pas son vrai nom. Si c'est son vrai nom, ben Vali, je sais pas trop, là, mais bon, il est nommé que Vali. Il y a un thème de voix qui est correct pour le genre, mais aucune puissance, ça dégage pas, c'est limité. Donc, pour moi, ça a été peut-être un handicap. C'est un handicap, selon moi, au groupe, et c'est un des facteurs qui fait que je lui ai pas donné de meilleure note. C'est peut-être pas la formation que je vais être appelé à écouter le plus souvent, parce que dans ce genre-là, il y en a des multitudes, mais pour la présentation et pour le fait de connaître, ça valait amplement la peine, je dois le dire. On va aller en pause publicitaire et tout de suite après, on va s'attaquer à la deuxième présentation de la semaine. Vous êtes assez fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Fidèle à son habitude, la Maison de la culture de Trois-Rivières présente une programmation 2017-2018 riche et variée. Voyez-y de la chanson avec entre autres Philippe B, Tire le Coyote, Béris, Geoffroy et Émile Bilodeau. Laissez-vous surprendre par les spectacles de danse des compagnies K-Public et Virginie Brunel. Et initiez vos enfants et vos ados au théâtre grâce aux séries Théâtre Enfant-Jeunesse et Exit Théâtre. Pour la programmation complète, consultez enspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Sciences, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Oh, les lundis, la semaine recommence. Puis les mercredis, il en reste la moitié à faire. Un petit 5$ pour te remonter le moral? Avec chaque tranche de 50$ chez IGA Extra Paquet, on te donne 5$ de rabais. Au IGA Paquet, on a plein de mets préparés sur place, de repas pour emporter, de produits spécialisés et 500 sortes de bières. Fait que les lundis et mercredis, apporte ta carte étudiante puis économise 5$ par tranche de 50$ d'achat juste au IGA du boulevard des Forges, juste pour les étudiants. Vous êtes assez fou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. h 58 et vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show, et ce sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Bon, ben comme je le disais, pour la deuxième présentation de la semaine, nouveauté de la semaine. Eh bien, je m'adresserai à mon groupe métal préféré, c'est-à-dire Morbid Angel, formation qui a vu le jour en 1983 sous le nom de Ice, pour la même année changée pour Erethic, et pour terminer encore en 83 pour devenir Morbid Angel. Donc, je peux pas vous dire pourquoi, là, mais chose certaine, c'est que Thrash Octot était peut-être instable. Ben, je crois qu'il est instable aussi. Mais bon, ça n'a aucune incidence sur la qualité de sa musique. Comme je le disais, Morbid Angel, c'est une formation qui vient de Tampa, Florida. Tampa, en Floride, pardon. Qui donne dans un death metal aujourd'hui considéré comme étant old school, quoique je dois dire qu'il y a des bands qui auraient intérêt à prendre, exemple sur Morbid Angels au niveau de la qualité et de la recherche qu'ils ont et de l'originalité surtout. Formation qui donne un concept d'occultisme principalement, des anciennes divinités, du satanisme, et ainsi de suite. C'est un groupe qui a vu bon nombre de musiciens passer au sein de son alignement, et je parle d'environ facilement une bonne douzaine, si ce n'est pas 15, dans lesquels, bien sûr, les plus marquants auraient été dans l'épreuve de 85 à 92. Il y a Richard Brunel qui était là en tant que guitariste. On a eu David Vincent, bien entendu, qui est le bassiste et vocaliste emblématique de Morbid Angel, qui semble aussi être assez perturbé et très imbu de lui-même, et ça a fait que Thrash Octot, de son vrai nom George Michael III, lui aura montré que la porte était à la sortie. Pete Sandoval, bien entendu, Pete Commando Sandoval, qui aurait été batteur pour la formation de 88 à 2013. Eric Rutten, qui aura joué à deux reprises, soit en 93, 96, 99 et 2002, pour Morbid Angel, qui a été avec Ripping Corpse et 8 Eternal, dont son band est toujours actif, bien sûr. Plus récemment, on aura eu aussi Tarhanders, Mirren, qui était le guitariste second. Il était là de 2008 à 2015, espèce de grand blond avec la longue couette rasée sur les côtés qui avait l'air vraiment d'un berserker. Ainsi que Tim Young, bien sûr, ce fabuleux batteur qui aura remplacé Pete Sandoval jusqu'en 2015. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Morbid Angel, c'est Thrash Octot, bien entendu, puisque c'est le seul et unique membre de la formation originale qui demeure, soit le guitariste, le compositeur, celui qui fait les arrangements, qui s'occupe aussi de la partie de keyboards. On a Scott Fuller, la batterie, qui est là depuis 2017. Dan Vadim Vaughn, qui est à la guitare seconde depuis 2017 aussi. Et c'est le retour de Steve Tucker, qui est là depuis... En fait, qui est apparu en 1997 jusqu'en 2001 pour revenir de 2003-2004 et revenir en 2015 pour faire cet enregistrement de ce nouvel album qu'on connaît aussi, bien entendu, pour sa contribution à Ceremony, une des premières formations death metal de quelles sont partis Morbid Angel et aussi Cannibal Corpse. Nader Sadek, bien entendu, et bien sûr Warfather, qui est aussi un groupe actuel dans lequel il évolue. Morbid Angel, c'est pour moi un des monstres sacrés de la musique extreme music for extreme people, du death metal. C'est un band qui aura défriché énormément de trucs pour faire passer beaucoup d'autres par en arrière de eux et de leur permettre de pouvoir avancer dans ce monde de jungle qui est la musique. C'est leur 10e album qui porte le nom de Kingdom Disdain, pardon, qui est paru le 1er décembre dernier, c'est-à-dire vendredi dernier, sous une nouvelle étiquette Silver Lining Music. Et je crois que l'étiquette Silver Lining Music a eu tout intérêt à aller chercher Morbid Angel, avec lequel, quand même, ils ont certains... Ils ont cherché des noms assez importants, je dois dire, dans leur... ce qu'on dit en bon français, leur rooster. Je vous propose d'écouter 4 pièces de ce nouvel album de Morbid Angel qui seront respectivement la première pièce dont le titre est assez, je dirais, pour le moins étrange, Piles of Little Arms. Je sais pas ce que Trey avait en tête, là, mais bon. On va écouter ensuite Garden of Disdain, The Writer's Voice et The Pillars Crumbling. This is Morbid Angel. Vous êtes à Réanimation. Go!

Morbid Angel, 4 extraits de leur plus récente parution Kingdoms Destined, qui est paru le 1er décembre dernier, c'est-à-dire vendredi dernier, leur 10e en carrière sous étiquette Silver Lining. On vient d'entendre la pièce de Pillars Crumbling, qui est probablement jusqu'à présent pas mal ma préférée de l'album. Juste avant, ça c'est la 7e, la 4e pièce de Radius Voice. Précédemment, la 3e, soit Garden of Disdain, et en ouverture, la pièce d'ouverture de l'album également, Piles of Little Arms. Bien, c'est simple. Je lui ai accordé une note de 9 sur 10 à cet album-là, et plusieurs pourraient dire « Bon, docteur, c'est ton groupe préféré, t'étais vendu d'avance. » Non, c'est faux. C'est faux. Je suis rarement vendu d'avance maintenant, musicalement parlant, parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont proposées et offertes. Il y en a beaucoup que c'est, je dois le dire, de la crap. Donc, je m'attends à tout d'une fois à l'autre. C'est pas parce qu'un nom est important à mes yeux que automatiquement ça va être gage de qualité. Mais celui-ci, cet album, en ce qui me concerne, oui, définitivement. Ce que je dis un peu dans la chronique que j'en ai fait, c'est que, bah oui, il faut être patient avec Morbid Angel parce que ça faisait presque 7 ans déjà qu'on attendait la venue du nouvel album suite à Hello Divinum Insanus qui était le 9e. Faut pas être pressé avec Treas Actot. Faut pas être pressé du tout. Eh bien, moi, dans ce 10e album, j'y retrouve passablement l'essence qu'on retrouvait avec les albums comme Formulas Fatal to the Flesh et Gateway to Annihilation. Je dis pas grand chose à voir avec justement Elite Divinum Insanus. Pas grand chose, mais il y a une petite essence qu'on retrouve qui est celle de l'industriel, surtout au niveau de la façon de faire certains accords de Azaktot, qui rappelle peut-être un petit peu Elite Divinum Insanus, mais pas plus. Je crois que c'est beaucoup moins prononcé, effectivement. Kingdom's Disdain, il est bon, il sonne très bien. Par contre, ce qui a produit que... Il a produit la note que je lui ai accordée, c'est-à-dire une note qui n'est pas parfaite, soit 9 sur 10, et que je crois que par rapport à ce qu'il a déjà fait, ce que Treas Actot, je dis bien toujours Treas Actot parce que c'est évidemment l'essence de Morbid Angel, ce qu'il a fait avec les albums précédents, aurait pu le remplir encore un petit peu plus. C'est un album qui a beaucoup d'impact, oui, mais qui aurait pu en avoir encore un peu plus. Quoi qu'il en soit, j'écoutais l'album avec ma blonde samedi dernier et son commentaire était le suivant. Oui, j'aime beaucoup, mais je préfère la voix de David Vincent. Et ça, je respecte ça au plus haut point parce que personnellement, j'ai pas de préférence proprement dite entre celle de Steve Tucker ou celle de Vincent, mis à part que pour moi, celle de Steve Tucker sonne un peu plus méchante. C'est un bon album. Honnêtement, là, j'ai beaucoup aimé et indéniablement, il fait partie de mon top 10 de 2017. Soit dit en passant, je voulais le faire la semaine prochaine de façon officielle, mais sait-on jamais ce qui pourrait m'arriver d'ici la semaine prochaine? Donc, Réanimation prendra une pause, comme vous le savez, soit le 12 décembre prochain, c'est-à-dire mardi prochain, pour la période estivale. Festival? Des fêtes, quelque chose du genre. Bon. Et le retour se fera le 9 janvier pour la traditionnelle Retro Undead, c'est-à-dire la rétrospective de 2017. Et qui plus est, j'ai eu une excellente nouvelle la semaine dernière. J'ai pu en discuter avec lui dimanche dernier. Ce sera le retour, ici même à Réanimation des Undead Incorporated Show, de mon assistant Sinistros. Oui, ce puant gobelin, pestilentiel, créature nocturne et incompréhensible, bizarroïde, étrange, et j'en passe, c'est des meilleurs, sera de retour à Réanimation, et de façon, non pas sporadique, mais de façon, disons-le, officielle, du moins, du mieux qu'il pourra le faire, compte tenu que notre ami Sinistros demeure à 1 heure de route d'ici. Donc, mais il le fera, là, de façon très régulière. Il reviendra co-animer avec moi à Réanimation à partir du 9 janvier 2018. Ce qui n'est pas si loin que ça, finalement. Donc, je suis très heureux de vous l'apprendre parce que on va reprendre une formule qui a été déjà qui a été utilisée la dernière fois il y a 4 ans, je crois. une formule avec un échange un peu plus évident, puisque je suis seul, mis à part avec Horace, mais lui, je lui ferme la trappe à l'occasion. Donc, ce sera les dualités entre les présentations, les goûts de chacun, les vacheries, oui, je peux le dire, oui, effectivement. Mais tout ça en franche camaraderie. Donc, ça va être le fun. Ça va être vraiment le fun de retrouver Sinistros à réanimation. On va aller en pause publicitaire immédiatement. Et par la suite, j'aurai la chronique cinéma et série TV pour vous. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Le blog écoute-donc.ca se transporte à la radio. Karina Tardier et ses collaborateurs vous attendent chaque mercredi sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire de découverte musicale et de critique de spectacles de la région tous les mercredis de 18h à 20h avec écoute-donc.ca. Fidèle à son habitude, la Maison de la culture de Trois-Rivières présente une programmation 2017-2018 riche et variée. Voyez-y de la chanson avec entre autres Philippe B, Tire le Coyote, Béris, Geoffroy et Émile Bilodeau. Laissez-vous surprendre par les spectacles de danse des compagnies K-Public et Virginie Brunel. Et initiez vos enfants et vos ados au théâtre grâce aux séries Théâtre Enfant-Jeunesse et Exit Théâtre. Pour la programmation complète, consultez enspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins à 11h sur les ondes de CIFOU. C'est fou! 89. Je vous parle maintenant de cinéma et de séries télévisées. Mais en fait, je dois vous dire que demain, il y a quelque chose qui prend l'antenne au canal Historia qui devrait être intéressant pour les amateurs dont je suis de médiéval et de trucs un peu mystiques. C'est Nightfall, première saison, qui traitera des Templiers, donc ces fameux chevaliers des croisades, les Templiers. Donc ça risque d'être assez intéressant. Le premier épisode est demain. Demain, c'est le 6, voilà. 18h, je crois, sur Historia. Ben, c'est confirmé, j'ai terminé la première saison de la série The Punisher, qui met en vedette John Bernthal, et c'est tout simplement extraordinaire. Moi, je suis un fan du Punisher, j'ai lu ça longtemps, le Punisher. C'est un des personnages que je préfère des super-héros. Ben, en fait, c'est un anti-héros, mais dans le lot des super-héros et de Marvel, bien sûr. J'ai adoré la série. C'est une série qui décrit extrêmement bien la psychologie tourmentée de ce pauvre Frank Castle pour en devenir vraiment ce qu'il est, le Punisher. On ne pouvait trouver mieux comme casting que John Bernthal. C'est vraiment la personne qui devait incarner Frank Castle et le Punisher. C'est vraiment très bien amené. C'est excessivement violent par moments. Et j'ai été très surpris de la part d'une série télévisée de Marvel, de voir Netflix aussi, bien sûr, de voir la violence qu'on pouvait voir dans cette série. Mais écoutez, ça s'adresse tout simplement pas aux enfants, là. Mais c'est vraiment, vraiment excellent et c'est une des meilleures séries télévisées que j'ai pu voir jusqu'à présent et j'en ai vu quelques-unes. Donc The Punisher, moi je vous le recommande énormément, c'est vraiment excellent. Film que j'ai trouvé divertissant, mais que ce serait correct que si je le voyais pas, ça changerait rien dans ma vie, là. C'est American Assassin, qui est un thriller à connotation d'action, bien, ben oui, c'est beaucoup d'action, qui met en vedette Dylan O'Brien, Michael Keaton et Taylor Kitsch. C'est un film de Michael Cuesta et qui raconte l'histoire d'une nouvelle recrue d'élite qui lutte dans une cellule contre-espionnage au niveau des Américains, qui se doit de... En fait, c'est une course contre la montre contre des terroristes qui met tout en œuvre pour être capable de lancer une bombe nucléaire. c'est correct. C'est divertissant. Il y a de très bonnes scènes d'action dedans. Certaines très explicites par moment et voire un peu même bave. Pas mange en écoutant ça, là. Mais en bout de ligne, c'est un peu fade comme scénario. C'est assez prévisible aussi. Mais pour un moment de distraction, ça fait le travail, American Assassin, mais pas le goût de le revoir. Autre film que j'ai trouvé, ma foi, fort bon, qui met en vedette Tom Cruise et Domhnall Gleeson, c'est American Made, qui est un film de Doug Liman et qui raconte l'histoire vraie de Barry Seal, qui est un pilote de la NWA, je pense, un pilote de ligne, qui était aussi un arnaqueur et qui est recruté de manière très inattendue par la CIA afin de mener une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire envers les pays exportateurs de cocaïne, et de pouvoir s'infiltrer et mais il s'est fait prendre à son propre jeu parce qu'il, malgré lui, doit travailler pour les deux clans. Donc, c'est un personnage à deux chapeaux, à deux visages et aussi à deux discours. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bien interprété par Tom Cruise, qui m'avait bien déçu dans The Mummy Dark Universe, que j'avais trouvé très, très moyen comme film et aussi très moyen comme prestation de Tom Cruise. Moi, c'est quelqu'un que je respecte bien généralement. Mais ici, avec American Made, il s'est bien rattrapé. C'est vraiment un très bon film. Mais vraiment, mon coup de cœur de la semaine dernière, ben, en fait, depuis la semaine dernière, c'est vraiment adressé à un film d'action, d'espionnage, de comédie qui est la suite du premier, Kingsman, cette fois-ci de Golden Circle, qui est vraiment un film extraordinaire, je dois le dire, qui met en vedette Colin Firth, Taron Egerton et Mark Strong. C'est vraiment, vraiment un très bon film. C'est la preuve qu'il peut se faire encore des productions qui sont hyper originales, qui sont très divertissantes, à laquelle on allie énormément de qualité, c'est-à-dire de l'originalité, comme je viens de le dire, beaucoup d'action, de la comédie, de l'ironie, beaucoup de violence aussi, je dois dire, mais tout ça dans le cadre d'un scénario fort bien campé et très bien maîtrisé. C'est de l'espionnage. Imaginez-vous du James Bond violent et de bande dessinée. C'est à peu près ça. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Le premier Kingsman, Secret Service, avait été vraiment très bon. Je me suis tapé le premier aussi, d'ailleurs, avant d'écouter la suite. Et vraiment, c'est une soirée de cinéma extraordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé The Golden Circle de Kingsman, soit le deuxième. Je vous le recommande fortement. Qui sait, peut-être que la semaine prochaine, je vous parlerai soit de, je ne sais pas encore, peut-être je vais suivre les conseils du Rockmaster et me lancer dans la première saison de Fargo, ou persister peut-être dans ce que j'écoute actuellement, qui commence à me convaincre après 4 épisodes, mais dont j'ai encore une certaine appréhension. Il s'agit de Odeny and Doyle, la version originale, ou en français traduite par Les Mystères de Londres, qui est une série connotation policière, mais aussi fantastique, qui se passe dans Londres victorienne à l'époque des Jack l'Éventreur et ainsi de suite. C'est quand même bien, mais je vais voir. Mais la semaine prochaine, j'aurais bien vous parler de quelque chose. Mais je vais certainement vous parler, par contre, de l'album Ripley Sire, qui porte le nom de Do Not Deviate, qui est une formation qui donne dans, je ne sais même plus trop comment les qualifier, c'est une formation qui essaye le technical death metal, le fusion, bref, c'est une formation qui vient du Massachusetts. C'est leur deuxième album qui est paru sur Season of Mist, et je vous en parlerai la semaine prochaine parce que c'est intéressant. C'est peu, je dirais, peu conventionnel, très peu conventionnel même, mais c'est fort intéressant. Autre truc que j'ai écouté, une formation qui vient du Chili dans le Funeral Doom Metal, de Santiago précisément, c'est Nightmares of the Soul, l'album étant The Forest Mist Whispers My Misery. De façon indépendante, uniquement disponible en digital, formation qui existe depuis 2012, une jeune formation, c'est leur premier album complet, je fais abstraction du EP de 2015. Ben, moi, j'aime bien ce genre-là. Comme je l'ai dit depuis les derniers mois, j'ai pas mal renoué avec le Doom et le Funeral aussi. Mais par contre, l'idée, musicalement, c'est bien, mais la production est tellement exécrable. que c'est très high mid frequencies, c'est très gricheux, donc c'est rebutant. Malheureusement, parce que ça aurait pu être fort intéressant, mais par cause de production très douteuse, j'ai dû donner un 5 sur 10. Mais musicalement, j'ai été capable de me dire, ouais, ça pourrait être bien. Bref, on va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un petit bloc trash metal très américanisé, dans lequel on va entendre Slayer, Testament et Exodus. Tout de suite, Pride and Prejudice. Let's go! Thank you.

Exodus est la pièce Demoside qu'on retrouve sur leur 10e album Exhibit B, The Human Condition, paru le 7 mai 2010 sur Nuclear Blast. Juste avant, de Californie, bah, en fait, c'était trois groupes de Californie, Testament et la pièce Demonic Refusal, qu'on retrouve sur l'album Demonic. C'était leur 7e, paru le 9 juin 97 sur Music for Nations. Et en ouverture de bloc, Slayer, Pride and Prejudice, tiré du 12e album et dernier à ce jour, soit Repentless, paru le 11 novembre 2015. Trois pièces de trois groupes trash metal, mais qui donnaient plus dans un downbeat. N'oubliez pas que ce vendredi, ici même, assez fou, 89.1 FM, dès 11h, c'est Rock Classique pour les véritables amateurs de rock, les vrais amateurs de rock. Quoi, je disais, ben, vous pouvez être véritables aussi, effectivement. C'est la deuxième partie de la rétrospective du Rockmaster, rétrospective 2017, et cette semaine, il s'attaquera au mois de mai à novembre. Ainsi que sa présentation d'un album qui fêtera son 50e anniversaire ce vendredi, soit The Satanic Majesty's Request des Rolling Stones. Et si vous aimez le métal, eh bien, continuez à en écouter Assez Fou dès 21h avec Matière Noire, mais aussi ce vendredi, Underground Québec, 18h30, Subversion, notre ami DJ Tower of Death, qui sera avec nous le 15, vendredi le 15, ici Rock Classic pour la troisième partie dernière de cette rétrospective avec annotation plus métal. Donc, je vous quitte avec une dernière pièce, ou du moins en partie, de la formation Bloodbath, pièce qui porte le titre de Famine of the God's Words, tirée de Grand Morbid Funeral, qui est paru le 17 novembre 2014, dernière apparition de cet album, leur 4e. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière de réanimation 2017, et d'ici là, allez tous vous faire foutre, see you!